said goodbye. Quand je vois la nuit se mettre à tomber, le soleil se lève du mauvais côté, je compte les heures pour se retrouver. Je revois le soleil de ton côté. Je ferme les yeux, je sais que tout va bien. Je sens le feu, jamais rien ne l'éteint. Et si je te vois errer de ton côté, je serai là, je saurai t'écouter. Et chaque seconde me brûle quand t'es pas là. J'ai fait le tour du monde, je te cherche à chaque page. Quand je vois la nuit se mettre à tomber, le soleil se lève du mauvais côté, je compte les heures pour se retrouver. Je revois le soleil de ton côté. Quand je vois la nuit se mettre à tomber, le soleil se lève du mauvais côté, merci beaucoup.